Même ma femme a un Glock, chargeur longue autonomie. Vu qu'on n'est jamais acquitté, elle compte nos économies. Au CRB à la maison, et tombe sur la femme de ménage. J'ai même pris les jouets du môme, et je disparais dans le fantôme, et diront tout j'ai perdu la raison. Pour ma mère, des rivières de diamants d'Anvers. Pour mon fils, de la haute couture. Je me projette dans le futur, je me vois couler, je me vois me refaire. On me dépanne deux, trois boutures. On vendra même la pure. La vie, c'est pas facile, frérot. La vie, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Dans la mienne, j'ai fait la purge. La mort, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et je sors des grandes enseignes avec un costume sur mesure. Et je pisse sur les affiches, je FN collé sur le mur. Les loups sur les remparts, les ballons sur les branchards. Je vois la police partout. Mais la justice nulle part. J'ai perdu quelques neurones. Je suis comme un zombie dans la zone. Bébé, je ne vois pas ton cœur caché sous la silicone. J'ai demandé le pardon. Carrossé en carbone. Ici tout le monde traîne un gardien. Tout le monde traîne des cartons. J'ai demandé le pardon. Carrossé en carbone. Je traverse les époques et les pare-brises. Mon micro, mon arme de service. Mes ennemis sur mon pénis. Je suis rené comme le phénix. Frérot, bientôt je quitte le game et j'enfile un camis. La vie c'est pas facile, frérot. La vie c'est dur, c'est dur, c'est dur. On n'a pas fini de courir après les thunes, les thunes, les thunes. Coup de bélier dans ma porte et ces chiens m'enfilent les menottes. Je me suis racheté une conduite, mais je passe sans payer la note. Il paraît que faut t'avouer, faut à moitié pardonner. On avait que le terrain de foot pour faire des barbares que de la bécane volée. J'ai mis les pattes dans l'eau chaude, les enfants me soupçonnent de fraude. Je serai jamais aimé par la France, donc dans le fantôme je me sauve. J'ai démarré le fantôme, carrossé en carbone. Ici tout le monde traîne des gardiens, tout le monde traîne des gardiens.